parle souvent de la maison 1 comme étant la maison de l'ascendant. Si on dit ascendant, on parle principalement de la personnalité. On entend souvent des histoires, moi j'appelle ça des légendes astrologiques, qui disent qu'en vieillissant, l'ascendant prend plus d'importance que le signe natal, c'est-à-dire si vous êtes exemple sous le signe du lion, c'est que vous avez le soleil en lion. Et on va dire si vous êtes ascendant verso, bien, en vieillissant, votre ascendant va avoir une autorité, une présence plus forte que votre signe natal. En voulant dire simplement que votre soleil natal qui définit votre signe, exemple, vous avez un soleil en gémeaux, donc on vous dit gémeaux, et c'est ce que vous regardez dans les horoscopes journaliers ou les horoscopes tout court, mais l'ascendant, lui, va déterminer la relation que vous avez avec l'extérieur. Donc, quand on parle de personnalité, on ne parle pas de personne. La personne, elle, étant liée au soleil natal, et l'ascendant étant lié à la personnalité, donc à la maison 1. Donc, dans l'ascendant, on peut interpréter que c'est l'influence ou le rayonnement que vous avez sur l'extérieur par les conditionnements à la fois humains de votre famille et sociaux. On parle ici d'école, de formation, de culture, de votre pays ou de la région dans laquelle vous êtes. Et en absorbant beaucoup de ces influences-là, ben ça finit que ça habite votre maison. Et quand je dis habiter, ben c'est comme si, un peu comme une éponge, on absorbe. Et cette absorption, à plus ou moins long terme, vous permet de comprendre votre rapport avec l'extérieur. Le soleil natal, lui, a plutôt tendance à mettre en relief vos capacités réelles, vos ressources, quelque chose qui vient avec votre naissance et qui n'est pas sous l'influence extérieure. C'est donc ici très, très important de faire la nuance entre les deux, parce que c'est vrai qu'une personne qui n'a pas vraiment d'identité a tendance à un certain moment donné à être beaucoup plus influencée par sa personnalité, donc avec ce qu'il a épongé de culture, d'informations mémorielles de son milieu, et comment il va reporter ça dans son environnement, ben, c'est souvent lui-même, s'il n'a pas de personnalité liée à une identité forte, ben, il va être un miroir de son environnement social. Mais il ne sera pas un individu à part entière, il ne sera pas un être qui sera capable de dégager sa volonté et son autorité sur son milieu. Parce que cette autorité-là, elle va toujours prendre ses racines sur le soleil natal. C'est donc dire ici que si vous accordez trop d'importance à l'impression que vous créez, à comment les gens vous regardent, à la forme que vous avez, je parle dans l'apparence et aussi au niveau du statut social, si vous donnez plus d'importance à ça, ben là, à ce moment-là, c'est votre ascendant qui va prendre autorité au cours de votre vie. Par contre, si vous êtes un être plus intégré, plus intègre, plus actualisé dans le sens de toujours faire référence à votre centre décisionnel, à votre volonté, à votre force de frappe, c'est votre soleil natal qui va avoir autorité à ce moment-là. Et c'est sûr que faire face à la collectivité avec son ascendant et faire ressortir la puissance de notre soleil natal, c'est pas une petite sinécure, parce qu'il y a des gens, bon, tant mieux si vous êtes lion ascendant lion, verso ascendant verso, mais si vous êtes plus hybride, là, dans le sens, exemple, taureau ascendant scorpion, qui sont des signes opposés, ou vierge ascendant poisson, ben, ça crée des grandes, grandes contradictions. Des contradictions qui apparaissent quand même assez rapidement entre le conflit que ça crée de vouloir telle chose et de voir un environnement social qui essaie de vous conditionner dans la ligne contraire. Quand on parle de destinée, on parle de quelque chose qui ne se change pas à certains niveaux. Quand on parle des maisons astrologiques, il y a de la place pour le changement parce que c'est des influences extérieures. Donc, si vous absorbez une influence extérieure et que vous avez la chance d'être éduqué par des gens qui vous mettent des bons filtres à naissance, ça va mieux. Disons que dans un sens, vous ne serez pas exposé à trop de conditionnements qui risquent de déstabiliser votre identité. Mais ce qui ne change pas et qui va être là jusqu'à votre mort, c'est les positions planétaires. On parle du Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et c'est sûr que dans ces positions planétaires, c'est un peu comme votre terrain. C'est votre terrain dans le sens que c'est votre pierre, c'est votre terre, c'est ce sur quoi vous construisez. Ça, ça ne change pas, ça bouge pas. Fait que quand un astrologue vous dira, ben, on peut changer notre destinée, vous lui direz oui, en ce qui concerne l'influence que les maisons ont sur votre personne. On parle, disons, des quatre maisons principales qui affectent généralement les grands courants de vie d'une personne. La maison 1 étant la personnalité, la maison 7 étant les relations qui impliquent évidemment le couple et les associations même à caractère financier. On parle de la maison 4 qui est la famille, donc la zone principale de régénération, donc le home, l'intimité. Et finalement, la maison 10 qui, elle, réfère à la carrière, à la structure de travail de l'individu. Donc, c'est quatre influences très fortes qui peuvent être modifiées par le fait de traiter avec des influences extérieures qui peuvent être filtrées et qui conditionnent des changements dans une certaine mesure sur le fond, c'est-à-dire vos planètes. Et vos planètes, quand je parle évidemment de vos planètes, je parle des 10 planètes connues, là. Rajoutez-moi pas Andromède, puis Lilith, puis ci, puis ça, là. Je regarde strictement les planètes connues. Ben, ces planètes-là ont une influence et un rayonnement qui commence à la naissance, qui vous donne une fonction à la naissance, qui vous donne un type de rayonnement à la naissance et qui vous suivra jusqu'à votre mort. Donc, si vous avez à dire que c'est quoi ma fonction dans la société, ben, c'est sur les planètes. Si vous voulez savoir votre niveau de popularité, ben, c'est dans les maisons que vous pouvez le trouver. Mais vous le savez comme moi, la popularité, ça varie. Mais votre fonction, elle, ne variera jamais. Et c'est important de comprendre la différence entre l'ascendant et les positions planétaires parce que trop de gens donnent trop d'importance à l'ascendant, considérant que c'est une influence valable parce qu'on est évidemment obligé de se mêler à un environnement social toute notre vie. On part de la famille, on part éventuellement à l'école, à toutes les zones de formation et éventuellement dans nos relations dites professionnelles et là où on doit gagner notre pain quotidien, notre survie. On a à se plier, à se mouler à notre environnement pour convenir. Mais vous savez très bien que des gens qui ont des structures planétaires extrêmement fortes, pour ceux qui étudient l'astrologie un petit peu, ils vont voir que ceux qui ont beaucoup de quadratures avec des planètes fortes comme Saturne et Soleil, ou Pluton et Soleil, savent que c'est des gens extrêmement rebelles et qui sont capables d'installer des filtres extrêmement puissants sur leur ascendant, sur leur personnalité, pour ne pas être trop manipulés par leur environnement. Donc ici, à comprendre, c'est que votre maison 1, votre ascendant, c'est votre personnalité, et que sans aucun filtre, vous serez éventuellement un miroir de votre milieu social. On pourra dire, ah, telle personne vient de tel milieu, vient de telle culture, vient de telle psychologie, de telle ligne de conduite. Alors que dans votre position solaire, on pourra, sans avoir l'ombre d'un doute, dire que vous êtes né pour vivre tel genre d'expérience ou tel type de programme de vie, là, j'entends, là, d'événement. Là. Fait que si on parle d'événement, on parle de structure essentielle dans l'être, on parle des planètes. Si on parle de l'ascendant, ben, on parle de l'influence de notre milieu sur notre personne. Et c'est très important de comprendre la différence entre les deux parce que quand on nous dit que l'ascendant est plus fort que notre position solaire, c'est parce qu'on manque sérieusement d'identité. L'identité se forgeant sur le soleil, se forgeant sur l'autorité que l'individu est capable d'aller capter de ses expériences karmiques profondes et des luttes, des angoisses qui viennent avec la polarisation des effets positifs et négatifs de sa position solaire et de ses positions même planétaires dans les différents signes. Quand on aborde la maison 2, on aborde une maison qui, dans notre société capitaliste, a toute son importance. C'est la maison des gains, des profits, des banques et de l'argent. Si vous voulez savoir si vous allez être riche, vérifiez votre maison 2. Avec un Saturne en maison 2, les chances ne sont pas grandes que vous soyez riche, j'entends. Ou si vous l'êtes, ça va prendre du temps. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la maison 2 nous explique très bien notre statut financier, notre condition ou l'évolution de notre condition au cours des âges en ce qui concerne notre aptitude à se structurer matériellement. Une maison 2 en santé, c'est un gage de stabilité et de sécurité matérielle. Une maison 2 affectée par des transits ou des positions natales comme Uranus, Neptune, donne des hauts et des bas extrêmement marqués au cours d'une vie. Quand je dis marqué, j'entends que la personne peut bénéficier de coups de chance extrêmes et éventuellement être exposée à des situations de déséquilibre extrême. On a à comprendre que la maison 2 ne dicte pas une façon de faire, mais explique la façon dont on fait les choses, de la façon dont notre environnement nous présente les désavantages et les avantages qui sont placés sur notre chemin. Il faut comprendre que la maison 2 nous donne aussi les zones dans lesquelles on est le plus confortable pour structurer un travail, pour structurer un effort en ce qui concerne le travail. Ce n'est pas la carrière. Ne vous trompez pas entre la maison 10 et la maison 2. J'ai vu beaucoup de gens essayer de se donner de l'ouvrage, comme on dit, en s'expliquant différents aspects de leur destinée à travers la maison 2. La carrière, la structure, votre ressource à savoir quoi et quoi faire pour travailler, c'est définitivement la maison 10. La maison 2 fait simplement expliquer votre gestion, votre comptabilité, votre capacité d'accumuler des gains, d'accumuler des biens. C'est un signe qui s'associe au signe du taureau. Et comme le taureau est lent, ben, par principe, la maison 2 explique comment, avec une progression, une certaine lenteur, vous pouvez arriver à des résultats certains. Il est évident que, à cause de son analogie au signe de terre, on parle ici de capitalisation, on parle ici d'accumulation. En principe, la maison 2, c'est une maison qui est relativement passive. On ne fait pas rien avec. On fait simplement, comme dans une banque, on fait simplement en mettre de côté. On est placé pour regarder le travail comme étant un moyen de capitaliser sur l'avenir. C'est sûr que les planètes qui vont se placer dans la maison 2 sont des influences importantes pour savoir et étudier la conception qu'on se fait de la finance, la conception que l'on a à faire voir aux autres aussi, parce qu'il y a dans la maison 2 une façon de faire dans la gestion matérielle, dans ce que les Américains appellent le money management, qui peut plaire ou déplaire à notre environnement. Et c'est dans la maison 2 qu'on retrouve toutes ces informations. Il faut également comprendre que c'est une maison qui est capable de vous expliquer les faillites ou les crises de votre vie. Il y a, s'il y a faillite, évidemment, s'il y a crise matérielle ou s'il y a un manque réellement aberrant dans votre vie, c'est la maison 2 qui est le plus apte à vous expliquer le pourquoi ça se passe comme ça. Il est évident que présentement, là, on parle de l'an 2002, 2003, on parle de Verseau avec Uranus et Neptune en 2002, 2001, et que les gens qui étaient marqués, exemple, par une maison 2 au signe du Verseau étaient exposés à beaucoup de surprises, beaucoup d'imprévus dans le domaine de la finance, dans le domaine des projets susceptibles de développer de la finance. Aussi loin que vous pourrez étudier les imprévus, vous avez simplement regardé Uranus avec les effets qu'elle fait sur votre maison 2, avec Neptune ou Pluton qui vont faire des effets sur votre maison 2, avec Saturne qui va vous obliger à structurer à long terme votre condition financière, votre façon de budgéter, et vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations sur les limitations, les restrictions face à la loterie ou face à quoi que ce soit qui représente le fait que vous n'êtes pas chanceux par rapport aux autres. En passant, la chance, quand on la regarde d'un point de vue financier, elle se voit dans la maison 2. La chance de bien travailler, d'avoir de l'ouvrage, la chance d'être apprécié dans l'efficacité qu'on a est toute dans la maison 2. Les assurances, les héritages, les surprises qu'on dit bénéfiques, mais qui ne sont pas toujours bénéfiques quand on regarde les engueulades que les gens ont quand ils ont un héritage, c'est en général la maison 8, la maison opposée, qui est la maison qui représente une perte. Quand on a un héritage, en passant, vous avez de l'argent parce que quelqu'un meurt. Donc, il y a perte. Il y a une perte pour un gain. Tandis que dans la maison 2, c'est un gain avec un travail, donc avec quelque chose qui a été fait pour l'obtenir. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus sous votre contrôle, alors que sur la maison 8, c'est pas vraiment sous votre contrôle. Exemple, une prime d'assurance vie ou une prime d'assurance parce que vous avez une collision, c'est sous la maison 8, mais il y a perte. Important à comprendre. Très, très important. Beaucoup de gens font une sorte de confusion à l'intérieur de ces deux maisons. La maison 2, c'est le gain dans le sens propre du terme. L'autre, c'est pas vraiment un gain. C'est une compensation que la vie nous donne. Là, je parle de la maison 8, évidemment. C'est une compensation que la vie nous donne parce qu'on a une perte. Donc, bien comprendre que la maison 2 vous donne différents avantages, différentes possibilités qui apparaissent au courant de votre vie en fonction d'un effort quelconque, un effort d'échange avec votre milieu. C'est vraiment votre valeur marchande que vous pouvez étudier sur cette maison. Quand les gens disent « Ah, ben j'ai un problème d'échange avec mon milieu », bon, il y a la maison 7 qui représente un peu votre attitude et votre comportement dans le contrat, mais il y a votre valeur marchande. Puis la maison 2 est la maison la plus capitaliste du zodiaque, et c'est celle qui représente vraiment cette valeur marchande que vous avez vis-à-vis des personnes autour de vous. Si vous valez quelque chose, ça va être en fonction du signe dans lequel votre maison 2 se place. Fait que dépendant de là où la maison 2 est placée dans le signe, regardez le genre de relation que le signe permet. En général, une maison 2 en Lion, je vous donne ça à titre d'exemple, je n'ai pas l'intention de faire les 12 signes, ça vous permet de voir que c'est dans des milieux apanache, des milieux qui demandent un certain prestige que vous pouvez générer ou qui demandent une certaine forme de statut public. Si vous l'avez en poisson, c'est dans le domaine de l'impression. Que vous vendiez des petites lumières ou que vous vendiez du pharmaceutique ou que vous vendiez quelque chose qui fait rêver, ben c'est là que vous allez pouvoir générer. Et ainsi de suite. Vous avez juste à aller voir dans l'essence même du signe et de ce que le signe est capable de générer comme produit, service ou comme type d'information, et vous allez avoir l'information de ce sur quoi vous pouvez avoir une valeur marchande. C'est sûr que vous pouvez avoir des idées qui viennent de d'autres aspects planétaires, mais comment ça va se distribuer, comment ça va se canaliser, ça va être vu à travers votre maison 2. La maison 2 vous donne beaucoup d'informations sur la valeur marchande, comme je vous ai dit, et sur ce que les gens demandent de vous. Parce que souvent, répondre à un besoin, répondre à une demande, c'est très important dans le commerce. Plus important souvent que l'idée qu'on veut imposer. Parce que l'idée qu'on veut imposer n'est pas nécessairement absorbable ou potentiellement absorbée comme on veut la transmettre. Dans la maison 2, vous avez toute la façon dont les choses doivent être vécues, faites et opérées pour que les gens vous absorbent bien. Matériellement, j'entends. Ou au niveau économique. Et c'est là que ça devient très intéressant de faire l'étude de cette maison-là si vous avez des vues commerciales à un niveau quelconque. C'est sûr que les gens qui font de l'astrologie d'entreprise, qui étudient des chartes de compagnie, ont avantage à regarder très sérieusement cette maison 2 pour voir le type de production et le type d'aptitude à mettre en marché le produit en question pour répondre aux besoins. Ce n'est pas la maison de la mise en marché, mais c'est la maison 9, mais c'est la maison qui dicte qu'est-ce qu'on a à répondre comme besoin. Lorsqu'on parle de la maison 3, on parle de la maison qui touche le domaine de la communication. Mais dans le sens autant abstrait que la communication parlée, et dans le sens aussi concret que les véhicules qui nous permettent de se transporter et d'établir des zones d'échange avec des gens qui sont dans un environnement physique qui sont évidemment différents du nôtre, qui sont plus loin, qui sont espacés. La communication, son principe de base ou de fond, c'est de créer un contact, un lien avec deux différences. On l'associe aux voisins, donc des gens qui sont près de notre intimité, mais loin parce qu'ils sont séparés de notre intimité. Et vous savez par expérience souvent qu'on a des relations avec notre voisinage qui sont relativement froids et qui sont pour certains en général presque étrangers même. Et pour d'autres, ben, ça devient quasiment une deuxième famille dans certains cas, surtout les gens qui ont une certaine proximité dans leur voisinage. Mais la maison 3 représentera toujours un peu la façon dont vous formulez votre communication vers l'extérieur. Formuler dans le sens que il y a au cours de votre vie des gens qui vous ont permis de parler, qui vous ont permis parce qu'ils vous ont écouté, et il y a des gens qui vous ont empêché de parler, qui ont essayé de trouver une ascendance sur votre mode d'expression. On découvre toutes les lacunes, tous les manques des rapports avec l'extérieur, donc les lacunes qui touchent le domaine de l'échange, dans cette maison 3 qui exprime un peu les aspects du Gémeaux, qui sont des aspects de coordination, des aspects d'interrelation, des aspects de liberté d'expression au niveau des idées. Et on peut dire que dans nos sociétés nord-américaines, on a une certaine liberté d'expression, mais que dans des sociétés que je nommerai peut-être pas nécessairement pour pas avoir de problème, mais on a moins de liberté d'expression et que conséquemment, dans la maison 3, on découvre souvent de ces interférences. Il y a également dans cette maison 3 un peu le type de rayonnement que vous pouvez avoir avec votre parole. Pour les gens qui gagnent leur vie avec la parole, pour les gens qui gagnent leur vie à trouver des solutions au niveau des idées, la maison 3 revêt beaucoup d'importance parce qu'on identifie souvent le Gémeaux au milieu des acteurs, au milieu du secrétariat, au milieu qui permet de faire de l'ordre dans tout ce qui touche le monde des idées, le monde des concepts. Et on voit que la maison 3 exprime bien cette culture parce qu'elle définit pour n'importe quelle personne, parce que tout le monde a une maison 3 dans son thème astrologique, elle définit pour chaque personne le caractère, disons, un peu Gémeaux de votre carte. Peu importe si vous soyez Bélier, ascendant Scorpion, quoi que ce soit, vous avez définitivement une maison 3 qui va vous faire voir les différents aspects de votre mode d'échange avec votre milieu. Donc, si vous êtes une personne fermée, si vous êtes une personne qui avait une difficulté quelconque à vous exprimer clairement avec votre environnement, dû à une forme de culture du secret ou une éducation qui favorise de ne pas se livrer facilement, ben, généralement, la maison 3 informe beaucoup sur cette dimension, informe beaucoup sur cet aspect. Et on peut être surpris de voir à quel point les gens qui ont des problèmes d'échange ou de communication peuvent être, je dirais, réactivés, là, dans le sens qu'on leur remet en mode output leur limitation, dans un sens. On voit qu'à travers la maison 3, si vous êtes capable de reconditionner un individu à revenir à l'échange et que vous savez par quel mode, parce que c'est la maison 3 dans son signe, le signe qui va être la cuspide de la maison 3 et qui va contenir la maison 3, qui va définir un peu le mode d'opération, ben, il est possible à ce moment-là de reconditionner l'individu ou de le réhabituer à un autre mode d'échange. L'autre aspect, l'aspect plus concret, l'aspect plus matériel, qui est les véhicules. Souvent les petits accidents, je ne parle pas des choses où on en meurt, là, mais des accidents d'automobile, ce qu'on appelle carrément les accrochages, sont faciles quand même à identifier au travers de la maison 3. Si vous avez des transits, comme je parlais tout le temps, là, d'Uranus, de Saturne, qui nous crée des sérieux imprévus, qui nous crée des sérieux blocages dans le cas de Saturne, ben, quand ça touche la maison 3 à la naissance, la personne est à risque. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui avaient comme une espèce d'instinct à la course automobile ou d'instinct à piloter des avions ou à prendre des grands risques au niveau des véhicules. Et souvent, c'est des aspects planétaires en transit ou de naissance qui sont exposés ou qui sont dans la maison 3 qui vont avoir tendance à identifier assez clairement, assez nettement le niveau d'influence qu'une personne va avoir à subir à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que c'est pas l'annonce d'un accident ou l'annonce d'événements qui sont difficiles qu'on voit dans cette maison-là quand on touche les véhicules, mais c'est plutôt la façon de conduire de l'individu qui donne une propension aux accidents ou une propension à des obstacles quelconques dans ces domaines-là. J'applique beaucoup sur ce point et vous allez me dire quel parallèle qu'il y a avec les véhicules et la communication parlée. Ben, disons, si on regarde la vie sur des couches d'énergie, la couche d'énergie matérielle représente les véhicules, la façon dont l'individu se véhicule. Bon, dans le temps des chevaux, c'était les chevaux, les charrettes, ces choses-là. Aujourd'hui, on en est au niveau de l'automobile et dans peut-être 100 ans, 500 ans, ça sera d'autres genres de véhicules. Mais il y aura toujours des véhicules qui représenteront le quotidien de l'individu. Parce que les trains, les avions, ces choses-là, ça va plus se référer à la maison neuf. Mais les petits véhicules du quotidien, ça inclut jusqu'à l'auto et les camions, ben ça, c'est des moyens de transport. J'ai vu des gens donner beaucoup d'importance au transport du type bicyclette. On pense à la Hollande, entre autres, et c'est dans la maison 3 qu'on va retrouver ça. Quand vous parlez de la maison 3, parlez pas d'automobile spécifiquement. J'ai vu des gens qui allaient travailler en bicyclette et c'était leur véhicule de travail. Quand je dis à une personne, vous allez changer d'auto, ben pour la personne, c'était changer de vélo. Et il y a des vélos à 3-4 000 qui valent plus cher que des autos que je sais que les gens ont payé 500 Donc, il faut bien comprendre que c'est le véhicule, le concept de se véhiculer pour se rendre d'un point à un autre. Quand vous montez un petit peu plus dans les couches plus abstraites, on parle du livre. Le livre est une densité de la parole, mais on voit que c'est quand même un moyen de véhiculer. Les multimédias, le média ou tout ce qui touche le domaine de la communication par le support matériel. Et c'est pour ça que je vous parle du livre, mais vous pouvez extensionner ça au CD, vous pouvez extensionner ça au DVD, à tous les supports qui vont permettre éventuellement de communiquer de l'information, vont apparaître également à ce niveau-là dans le domaine du semi-matériel. Et dans le domaine du purement abstrait, bien, vous avez justement, comme je vous parlais, la communication. Et cette communication-là, bien évidemment, elle peut aller, si le cœur vous en dit, jusqu'au domaine de la télépathie. Mais on est peut-être une couple de 100 ans trop vite. Mais il y a des gens qui vont, à cause de l'intérêt qu'ils ont pour l'astrologie, l'occulte, vont pouvoir étudier leur capacité télépathique à travers justement la maison 3. Une personne, exemple, qui aurait beaucoup de planètes en poisson, en scorpion, en cancer, dans la maison 3, aurait définitivement des aptitudes. Et je ne dis pas des dons, comme les gens aiment bien avoir. C'est pas un don, c'est une faculté. Je sais pas si vous avez le don d'avoir deux bras, mais pour moi, c'est simplement une faculté qu'une personne a à la naissance et qui vous donne la possibilité d'être télépathe. On parle de maison 4, on parle de la maison de l'intimité, la famille. Les astrologues se sont plus pendant des années à parler de la famille. Considérant l'évolution sociale dans laquelle on est, Je préfère parler de l'intimité, parce que la famille, avec tout ce qu'il y a d'éclaté, avec tout ce qu'il y a de remise en question des valeurs familiales, c'est sûr qu'on doit comprendre l'essence ou le principe de fond qui sous-tend cette maison 4 et qui représente ni plus ni moins que la zone ultime de régénération. C'est la zone qui permet de ni plus ni moins que de se détacher de la forme matérielle, sociale, de se couper ni plus ni moins des influences extérieures pour être en contact avec ce qui est le plus essentiel dans notre être. La vie privée, nos secrets, tout ce que l'on veut conserver, tout ce que l'on veut garder en archive dans notre être jusqu'à la fin des jours, nos motivations, nos amours cachés et tout ce qui représente pour l'être ce qui est réellement intérieur et important. C'est sûr que quand on parle de maison 4, on a tendance à penser aux enfants et dans un sens plus élargi, aux vieillards. Il y a effectivement des points communs entre l'enfance et le vieillard, l'être qui vieillit, qui atteint son apogée, sa fin de vie. Il y a une vulnérabilité. Le point commun entre l'enfant et le vieillard, c'est sa vulnérabilité. L'enfant est vulnérable parce qu'il dépend de ses parents. Le vieillard est vulnérable parce qu'il dépend de ses enfants et curieusement aussi d'une société. Les deux sont exposés à la volonté de société, de forces collectives qui peuvent modifier la direction ou la dynamique de leur vie. C'est comme si je vous disais, un enfant mal éduqué va être handicapé très longtemps dans sa vie. Peut-être même toute sa vie s'il ne réussit pas à trouver un être, une personne, un groupe de personnes qui réussit à faire une contre-éducation pour corriger des lacunes, pour corriger des abus qui ont été faits sur sa vulnérabilité. La maison 4 indique ces choses-là. Quand vous avez un Pluton en maison 4, vous pouvez dire que vous êtes exposé à des excès qui ont été faits ou qui ont à être faits dans votre vie privée, votre intimité, votre vulnérabilité. Si vous êtes un vieillard et que vous avez Pluton en maison 4 en transit, disons, vous pouvez considérer que vous êtes exposé à la domination d'un milieu, à la domination de gens qui vont profiter de votre vulnérabilité et que vous devez être sous vos gardes dans la mesure où vous n'êtes pas Alzheimer et que vous devez être avantagé par un environnement collectif qui vous aime parce que vous avez bien vécu votre vie avec eux. Très important de comprendre qu'on finit sa vie comme on l'a vécu. Si vous avez, pour une raison quelconque, créé des déséquilibres à votre milieu intime, vous risquez de finir votre vie avec les mêmes déséquilibres. On appelle ça la loi de choc en retour. La maison 4 est probablement la meilleure maison pour avoir une mesure du choc en retour. Parce que dans l'intimité, ça inclut le sommeil, on a nos rêves, on a ce qui nous bombarde le mental, on a nos obsessions, on a nos maladies imaginaires. Et c'est dans cette fameuse maison 4 qu'on reconnaît comment l'individu peut se recréer, se régénérer, se remettre en vie, se remettre au monde, renaître comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est dans cette maison qu'on a la mesure de comment l'individu est capable, après un divorce, de ne pas se décourager et de se recréer socialement. C'est dans la maison 4 qu'on sait comment l'individu va s'adapter dans un milieu de travail pour bien, disons, se marier avec l'environnement, pour faire comme une famille. Tu sais, là où le mot famille s'applique, on parle du travail, on parle de groupe d'amis, on parle de groupe de formation, on peut même parler de secte, on peut parler de regroupement politique, on peut parler de tout ce qui touche une collectivité au niveau de la solidarité. On pense aux syndicats tant qu'à y être. Ben, c'est sûr que dans la maison 4, on retrouve les éléments qui ont une très très forte influence sur ces dimensions-là. Influence dans le sens d'une popularité, d'une réputation, de certains avantages ou désavantages qu'on peut avoir à encaisser à cause de la collectivité et qui nous supporte ou qui nous oppose, dépendant de la structure des planètes qui sont impliquées dans la maison 4 ou du maître de la maison 4 qui, dans un signe quelconque, exemple, si vous avez une maison 4 en Sagittaire, bien, vous avez le maître qui est Jupiter, Bien, dépendant d'où les structures de la carte vont influer, bien, on pourra savoir s'il y a des oppositions ou des avantages à retirer de cette maison. Mais n'oubliez jamais que les maisons sont des influences, des conditionnements extérieurs et que l'individu qui est exposé à devoir travailler avec l'influence d'une collectivité a à filtrer ces influences. Un peu comme je vous dirais, un enfant qui vit au monde, il est obligé de subir les conditionnements de son milieu. Mais à un certain moment donné, il y a un âge où il peut se couper de sa famille. Couper dans le sens de se filtrer. Filtrer les ondes d'influence, filtrer les ondes d'affirmation de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs. Et ne pas, disons, être subjugué, être même voire éclaté dans son identité à cause de ses influences. C'est donc dire ici que dans le phénomène dit familial, il y a beaucoup d'influences qui peuvent être dégagées si l'individu sait protéger son intimité. C'est pour ça que la maison 4, disons, je comprends que les astrologues l'ont toujours identifié à la famille, mais moi, personnellement, j'aime mieux l'identifier à l'intimité, parce que l'intimité, c'est plus proche de l'individu que le phénomène familial ou le phénomène collectif qui, lui, se réfère effectivement à des groupes ou à des regroupements. Donc, j'applique encore sur le fait que cette intimité, qui inclut le sommeil, qui inclut la régénération, qui inclut la capacité chez l'être de rêver, de pouvoir se faire une vision de son avenir, une vision, en comprenant le principe du destin, on comprend que la vision est quelque chose qu'il a à réaliser. Si vous acceptez l'idée qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais vous comprendrez que dans l'intimité, on peut avoir contact avec notre futur en ayant contact avec nos visions, qui sont ni plus ni moins qu'une imagerie de notre futur, des événements de notre futur qui nous seront permis de faire des prises de conscience. Ce n'est pas les événements qui sont importants dans notre vision, ce sont les prises de conscience qu'on se fait en vivant les événements. Parce que, ultimement, l'évolution d'un être se vit dans l'esprit et non pas dans l'âme. L'âme fait simplement présenter les événements, les idées, les concepts, les mises en vibration qui sont nécessaires pour faire les fameuses prises de conscience. Donc, votre intimité est ni plus ni moins qu'un laboratoire de cette activité cérébrale qu'on appelle la pensée. C'est évident que le destin, la compréhension du destin, avec la maison 4, elle est assez marquante parce que le monde du rêve, le monde de la vision dont je viens parler, est inscrit dans le rêve. Vous dites « Ah, je rêve à ci, je rêve à ça ». Si vous éliminez la forme et vous regardez strictement la vibration dans votre rêve, c'est ça que vous allez vivre. Si vous pensez que c'est la forme, vous ne comprenez pas nécessairement vos ressources, vous ne comprenez pas nécessairement vos capacités ou vos limitations. Ce n'est pas la forme. Si vous avez un rêve de vie de couple, un rêve de vie de famille, un rêve d'expérience de travail, tout ce qui se vit à l'intérieur de votre être, dans votre intimité, le bouillon vibratoire qui se pose là, ça c'est votre réalité. La forme que vous projetez, qui doit être, que vous voulez voir apparaître, est simplement une forme qui est maintenue temporaire dans votre pensée pour soutenir votre motivation pour vous y rendre. Mais n'oubliez jamais que la satisfaction que vous allez obtenir de votre rêve ou de votre vision ne repose pas sur la forme, mais repose sur la prise de conscience que vous allez faire au contact des personnes, des individus, des événements qui se présenteront à vous pour vivre cette vision. C'est sûr que dans la maison 4, déjà dès l'enfance, on a déjà une bonne mesure de comment on va finir notre vie. Quand on parle de maison 5, on parle de la maison qui se rattache à ce que les gens appellent la créativité et à tout ce qui draine les passions, les éléments d'effervescence et de tout ce qui allume la motivation chez un individu. Tout ce qu'on pense en termes de participation, d'intensité et qui pousse l'individu à vivre d'une façon très impressionnante avec son milieu, c'est la maison 5 qui le détermine. On comprend à cela que les astrologues dans le passé ont dit « bon ben la maison 5 c'est les enfants » parce que c'était pour, on pourrait dire, un couple, la raison d'être. On pouvait également donner à la maison 5 le sens du théâtre parce que les amants et tout ce qui se rattache à des affections intenses et passionnées qui étaient souvent en dehors du couple, en dehors du mariage, était lié à cette maison 5 où il fallait faire du théâtre. Il fallait se présenter à son meilleur jour parce que le quotidien est extirpé de la maison 5. Le quotidien, c'est la maison 6. Mais dans la maison 5, c'est tout le beau côté de la vie. C'est le côté éclatant. Et inévitablement, ben, on pourrait presque dire que la maison 5 fait apparaître le meilleur de l'être, du moins dans ce qui apparaît. Dans la mesure où on considère qu'un sportif qui remporte des médailles, qui monte sur des podiums, a à voir sa maison 5 pour savoir s'il est possiblement gagnant, ben, on voit que dans cette fameuse maison 5, c'est la mesure d'une certaine réussite d'apparat, mesure de réussite de ce qui donne une impression forte dans la société. Si on dirait, bon, ben, est-ce qu'un politicien a des chances de gagner ses élections, on pourrait regarder le programme du parti. Là, on aurait la maison 11, les projets, mais le panache du candidat, c'est la maison 5, indépendamment du programme. Il y a des gens qui votent juste sur le personnage, sur comment il s'exprime, sur comment il fait sa pièce de théâtre. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on voit l'évolution de la société, si elle s'embarque dans une relation avec un politicien qui a du panache, ou un politicien qui a du contenu dans son programme. Des fois, tant mieux, il y a les deux. Et la maison 5 et la maison 11 sont en harmonie. Mais il faut bien comprendre que c'est une dynamique qui exige qu'on comprenne parfaitement le sens de ce que veut donner la maison 5 à l'individu. Parce que tout le monde a une maison 5 dans sa vie. Mais la maison 5, c'est la belle auto que vous vous achetez. On pourrait avoir des autos fonctionnelles, toutes avec la couleur kaki, à l'échelle du pays. Mais il faut bien comprendre que ça ne donnerait pas aux gens une sorte de stimulation, d'originalité à leur présentation. Il n'y aurait pas de panache, si on peut dire. Donc, cette maison 5, c'est tout ce qui apparaît de beau ou d'apparemment beau dans l'individu. C'est tout ce qui permet de gagner du védétariat, de gagner une forme de popularité par l'impression. C'est les enfants qu'on stimule à faire des sports et qui sont quasi représentatifs des parents. C'est la fierté, en d'autres termes. C'est la maison qui véhicule cette fierté dans son milieu. C'est pour ça qu'on la raccordait il y a bien des années aux enfants. Aujourd'hui, il y a moins d'enfants, donc la fierté est plutôt véhiculée par nos réalisations personnelles et on raccorde donc la maison 5 à une certaine créativité, mais créativité non pas dans le sens du contenu, mais dans le sens de l'apparence, donc du contenant. Et dans la maison 5, on y retrouve aussi une aptitude à la formation, parce que pour arriver à avoir un certain statut, un certain prestige, il faut se donner de la culture, il faut se donner une image. C'est associé au signe du lion, la maison 5, et conséquemment, c'est une maison qui exige que l'individu se donne une apparence de puissance, une apparence d'être pratiquement condescendant sur son milieu. Donc, il doit apprendre les règles qui lui donnent une autorité sur son environnement. Il doit démontrer qu'il est capable d'une certaine performance dans un certain temps et capitaliser sur cette performance, un peu comme les artistes ou les vedettes ou les sportifs qui, pendant des années, se donnent une capacité de rendement, une performance publique qui qui, un jour, ben, leur permet de se retirer et de continuer de capitaliser sur cette performance et d'enseigner éventuellement aux gens qui visent à réaliser les mêmes performances, à acquérir la même réputation et conséquemment de trouver un facteur de motivation à se développer avec des modèles. Parce que la Maison 5, ultimement, dans son niveau de vieillissement, dans son niveau de maturité, quand on rencontre un individu qui a des acquis sociaux, qui a des acquis au niveau de justement de cette créativité, de ce panache, ben c'est l'enseignement, c'est la capacité d'écrire une autobiographie, c'est une capacité de donner un rendu de son expérience personnelle à des gens qui veulent le vivre ou le voir comme modèle. C'est donc la maison du modèle. C'est la maison où on sait si on peut être un modèle. Est-ce que vous serez un modèle à votre mort? Est-ce que vous serez quelqu'un que l'on voudra suivre la trace à votre mort? Ben, c'est tout écrit dans la maison 5. Si vous avez une maison 5 chargée, probablement que vous allez laisser un œuvre. Vous aurez des gens qui chercheront à imiter votre création, à imiter votre réalisation. Et la maison 5 se doit d'être chargée en planète pour cette situation-là. Les planètes comme Jupiter, les planètes comme les grosses planètes lourdes, Neptune, Uranus, Pluton, c'est des positions qui permettent de créer des bouleversements sur l'environnement. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est bien? On n'est pas dans le sens du bien ou du mal. Quand on fait de l'astrologie, on est neutre. On n'est ni moral, ni amoral. Donc, dans le concept de la maison 5, il y a beaucoup qui ressort au niveau de l'impression. Il y a beaucoup qui sort au niveau du contenant, mais pour que ça soit fort, il faut que ça soit lié à un contenu qui est souvent lié à de l'expérience, qui se retrouve dans d'autres maisons. La maison 5, c'est l'apparat, c'est la publicité, c'est le, ni plus ni moins qu'une sorte de mise en marché qu'on est capable de délivrer à notre environnement en ayant acquis une performance quelconque dans le passé. D'autres personnes diront, pourquoi vous associez la maison 5 aux amants? Ben, c'est parce qu'on parle, pour le commun des mortels, de passion à délivrer. Quand une personne n'endigue pas, ne dirige pas sa créativité dans un processus social, elle va automatiquement endiguer ses passions dans un processus intime. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la sécurité intérieure. Plus une personne a de la sécurité intérieure, plus ses mouvements de passion se dirigent vers la société. Plus son insécurité est grande, plus elle va diriger ses passions vers son intimité. Il me dit, oui, mais il faut penser à soi. Oui, mais il a pensé à soi parce qu'on n'est pas sûr de soi. Et il a pensé à soi parce qu'on est tellement sûr de soi qu'on est capable de se transférer à d'autres, de se communiquer à d'autres. Quand on sort d'un contrat, on parle ici exemple du couple, quand on sort donc d'un contrat et qu'on vit notre relation sur une base temporaire, c'est parce qu'on cherche à se rassurer. Quand on est capable d'entraîner cette énergie, cette passion dans un mouvement de long terme, c'est parce qu'on a une vision. Et une personne qui a une vision construit, alors qu'une personne qui vit simplement sur ses sensations cherche à se donner une identité, une réalité affective qu'elle n'a pas ou qu'elle se plaint tout le temps. Les gens qui sont lié à la maison 5 pour un processus de créativité publique ou sociale, ce sont des gens qui communiquent une passion à de multiples personnes, qui ont tendance par leur guitare, par leur voix, par leur chant, par leur étude, à faire sentir à d'autres qu'ils ont quelque chose à leur enseigner, à leur montrer, à leur révéler. Et ces individus, évidemment, sont capables d'un travail sur une collectivité. Alors que l'autre qui s'occupe de son intimité n'a que des souvenirs à partager avec des gens qui auront vécu une vie similaire à la sienne dans la cinquantaine ou dans la soixantaine. Quand on parle de maison 6, on parle de quotidien, on parle de conditions de travail, on parle même de santé. Et vous avez dit, oui, mais c'est quoi tous les liens entre ces points-là? La santé découle de conditions de vie qui touchent à la fois le travail et la vie intime quotidienne. Un individu qui sait se donner des bonnes conditions de vie au niveau de sa vie privée et également de conditions de travail qui sont substantiellement équilibrées vient de régler 90% de ses problèmes de santé. Une personne qui est exposée à une vie intime perturbée, qui n'a pas, exemple, de discipline ou qui n'a pas de contenance dans son intimité, qui est exposée à beaucoup d'imprévus et qui est exposée à beaucoup de déséquilibre dans son intimité, peut difficilement se rétablir un équilibre dans son travail, parce que souvent, la vie privée, le quotidien, est le microcosme de certaines conditions de vie au travail, qui est, lui, le macrocosme. Autant la maison 4 est le microcosme de la carrière, qui est la maison 10, ben autant le domaine de l'équilibre dans l'intimité, dans le quotidien, est le microcosme des conditions de travail dans le quotidien professionnel. Et c'est là que se joue la santé. C'est là que se joue la capacité chez un individu de bien vouloir manger, de bien vouloir se donner une éducation, une discipline, un régime de vie qui est substantiellement permanent pour garder un équilibre global, autant pour son corps personnel que pour le corps de sa vie privée, son égrégore intime, que ses structures professionnelles dans lesquelles il doit travailler avec des gens, il doit travailler avec des personnes, qu'il doit donc se donner des conditions de vie qui sont substantiellement agréables et positives pour ne pas constamment absorber du négatif. Qu'est-ce qui rend malade? Qu'est-ce qui peut être détecté dans une maison 6 qui peut rendre malade? C'est tout ce qu'on absorbe de négatif qu'on n'est pas capable de retransmettre positivement. C'est tous les problèmes qu'on entend sur lesquels on n'a pas de solution. J'ai toujours dit aux gens, si vous avez constamment des questions et que vous n'êtes pas capable de répondre à vos questions personnellement, vous allez avoir le mental en faillite. Ben, on va plus loin que ça avec la maison 6, c'est à chaque fois que vous êtes exposé à des problèmes que vous n'êtes pas capable de régler, que vous n'êtes pas capable de trouver une solution immédiate, pas une solution dans 10 ans, là, une solution immédiate, un état mental qui neutralise le questionnement, qui neutralise le caractère obsessif du problème. Ben, si vous ne réglez pas ça, ça va descendre dans le corps, ça va prendre dans la forme, inévitablement vous allez avoir quelques signaux avant que ça apparaisse dans la santé, là, genre, il va y avoir des événements extérieurs qui vont vous dire « faites attention à ci, faites attention à ça ». Il peut même avoir des accidents d'automobile, des accidents dans le travail, mais pas des accidents qui touchent encore physiquement, pas encore. Mais si vous ne corrigez pas la problématique, si vous vous plaignez surtout, parce que la maison 6, c'est mortel pour les gens qui sont toujours en train de se plaindre, parce que quelqu'un qui se plaint, il est en faillite. Il est dans une situation où il ne veut pas voir la réponse. Il essaie de se sentir une importance à souffrir. Et il y en a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'importance à leurs petites souffrances. C'est comme si, en n'ayant pas une existence qui sort du quotidien, qui n'a pas le panache de la maison 5, ben, il tombe dans une sorte de mélancolie d'être anonyme, de ne pas être vu par personne, de ne pas être à la mesure de quoi que ce soit. Et dans cette condition, ben, ils finissent par se négliger eux-mêmes, à se déprécier. Et cette réflexion quasi permanente et constante sur leur petite vie, parce que c'est eux autres qui la qualifient de petite vie, fait qu'éventuellement, ils négligent des aspects vitaux dans leur quotidien en mettant un minimum de rayonnement et finissent par tomber malades. C'est le corps qui prend du poids, c'est une condition de vie qui est toujours pas correcte. Et à un moment donné, ben, c'est le travail qu'ils trouvent jamais à leur mesure. Ils n'ont jamais, semble-t-il, la force d'être ou de ne pas être telle ou telle chose. Et cette plainte, dans un corps de cycle saturnien, ils réussissent à se mettre une santé à terre. On dit comme un de mes amis, c'est fait fort un corps humain, ça prend à peu près 80 ans pour le rendre malade puis le détruire. Fait que c'est sûr que l'individu, s'il entretient sa machine, son corps, s'il entretient son quotidien, s'il donne à sa vie privée de l'importance, plutôt que de regarder strictement sa vie sociale comme étant ou devant être importante, ben c'est sûr que si l'individu réussit à donner de l'importance à sa vie privée, il va réussir à se donner un noyau, une puissance interne, une force interne qui, un jour ou l'autre, va apparaître dans son extérieur. Mais ça ne veut pas dire que vous allez passer à la télévision, ça ne veut pas dire que vous allez passer dans les journaux, non. Ça veut simplement dire que les gens auront la capacité de vous respecter. Y a-t-il des gens lui la main, ceux qui pensent qu'ils peuvent respecter un être qui se plaint tout le temps. Ah, il n'y a pas grand main qui se lève, hein? On comprend donc quoi? On comprend que les gens qui se plaignent, c'est des gens qu'on néglige. Donc, c'est des gens qui se donnent une perception d'eux-mêmes négligente et une perception d'eux-mêmes qui, de façon chronique, apparaît négligente aux yeux des autres. Et éventuellement, ils se plaignent que les gens les négligent, ne leur donnent pas de respect ou ne leur donnent pas de crédibilité. Comment vous pouvez donner de la crédibilité à quelqu'un qui ne s'en donne pas? Mais c'est dans la maison 6 qu'on voit ça. Quand une personne est réellement affublée d'une timidité chronique, c'est dans la maison 6. C'est un signe qui se raccorde à la Vierge, signe qui se voit tout le temps à vouloir perfectionner quelque chose qui est suffisant. Quand c'est suffisant, c'est suffisant. Quand les gens sont satisfaits de ce que vous êtes ou ce que vous donnez, vous n'avez pas besoin d'en creuser plus. C'est suffisant. Le mot, il demanderait quasiment à être épelé pour le comprendre. Et évidemment, la maison 6 reflète un peu cet aspect. C'est que l'individu, il faut qu'il donne à son quotidien une force pour donner à ses conditions de travail une force et pour en arriver à comprendre que la santé découle d'une forme d'électricité qui se dégage de l'être, qui fait peur aux microbes, qui fait peur aux bactéries, qui fait peur à des gens qui sont malades, qui veulent le rendre malade. Vous remarquerez que des gens en santé ont généralement tendance à vouloir côtoyer des gens en santé. Ou que, s'ils sont en très bonne santé, ils veulent guérir les malades. Ils ne veulent pas être malades comme eux autres. Fait que c'est une situation qui suppose qu'un individu, pour atteindre son plein rayonnement et d'être finalement dégagé de la maladie ou de toute possibilité de l'être, est lié à un facteur électromagnétique. Ça veut dire que plus vous êtes électrique, moins vous êtes sujet à avoir un mal quelconque. Et sûr que le surmenage est inclus dans l'impression de ne pas en faire assez, donc une forme de dépréciation personnelle. Parce que j'en vois d'autres qui vont me dire « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui sont trop électriques? » Mais les gens qui sont trop électriques ont à un certain moment donné l'impression de ne pas en faire assez pour leur environnement et ils deviennent comme des tapis. Ils attendent qu'on leur marche dessus pour avoir l'impression que c'est assez. Là. Parce qu'on dirait qu'ils marchent par rébellion. Si on abuse d'eux, ils vont arrêter. Mais ils font tout pour qu'on abuse d'eux pour se donner le droit d'arrêter. Donc, on vient toujours à l'affaire que la personne se déprécie. Mais alors qu'une personne qui s'apprécie sait où s'arrêter et sait que c'est assez à ce niveau-là. Évidemment, il y a des aspects extrêmement positifs de la maison 6, de la correspondance qu'on peut faire au signe de la Vierge. C'est que ça représente les syndicats. Qu'est-ce que ça fait un syndicat? Ça nous protège contre les abus. En tout cas, dans son essence, dans son principe de fond, là, c'est supposé être ça. Mais si on dit protéger contre les abus, ce serait quoi le principal abus? Ben, habituellement, quand on exige plus que ce que les autres exigent, on est dans un abus. Quand on répond aux exigences des gens qui ne voient pas que nous, on est au bout de notre capacité, on se laisse aller par un abus. Être abusé ou abuser soi-même, c'est le même mouvement, excepté que c'est dans une polarité, une passive, l'autre active. Quand on exige trop de soi-même, c'est une polarité active. Et quand on se laisse abuser par des gens qui exigent trop de nous, on est dans une polarité passive. Donc, dans la maison 6, pour réussir à établir un équilibre, il faut savoir à quoi on répond, à quels besoins on répond. Vous avez besoin de laver la vaisselle? Jusqu'à quel niveau de propreté, étant donné que vous allez l'utiliser dans quelques heures. Vous avez besoin de travailler avec un milieu qui vous donne une exigence ISO 9002, une exigence de perfectionnement. Dans quelle mesure votre responsabilité, c'est d'emmener la totalité du processus sous votre responsabilité? Est-ce qu'il y a plusieurs intervenants? Si oui, ben, faut que vous soyez exigeant pour vous-même et l'autre à côté aussi exigeant pour vous-même. Il faut que vous ayez une mesure du produit dans la zone que vous intervenez et non pas dans la zone où la collectivité intervient. C'est sûr que si le produit d'ensemble, collectivement, n'est pas à la mesure de l'effort que vous avez fourni, vous n'avez pas à vous remettre en question. Malheureusement, il y a des gens qui jugent leur vie en fonction de ce que les autres font dans l'ensemble avec eux. Et c'est là que ça demande d'avoir beaucoup d'individualité. Parce qu'il est essentiel, voire même nécessaire, qu'une personne ait une perception totalement personnalisée, totalement individualisée de son implication dans des conditions de travail et dans des conditions de vie dans le quotidien où il a fourni sa tâche, où il a fourni son rendement et où c'est autour de l'autre à le fournir. Quand vous êtes célibataire, vous êtes seul, vous êtes propriétaire unique, mais unique, pas d'employé, le problème ne se pose pas. Mais si moindrement vous êtes en intimité avec quelqu'un d'autre ou plusieurs autres, parce que des fois, il y a des familles, ou que vous avez un milieu de travail où il y a 1000 employés, ben, l'effet de la collectivité doit être dilué dans vos perceptions de vous-même.